aujourd'hui là, aujourd'hui là, aujourd'hui là, aujourd'hui là, aujourd'hui là. Le débrief de la semaine. Le débrief de la semaine. C'est le décryptage de toute l'actualité de la semaine. Les potins d'ici et d'ailleurs en 2 heures. Prémude. Bon, moi j'ai prononcé en anglais. C'est ce que j'ai dit, voilà. Showbiz. Prémude. Prémude, voilà. Oh, il parlait un peu l'anglais, ouais. Le débrief de la semaine, c'est tous les vendredis de 16h à 18h sur Beke FM. Le débrief de la semaine, c'est une ambiance de feu avec vos chroniqueurs préférés. Le débrief de la semaine, c'est l'actualité, la musique, l'humour et surtout de la bonne humeur pour un bon début de week-end. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les chaque année, l'été comme l'hiver. Et nous, on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Le débrief de la semaine, on s'enjaille tous ensemble. Bon, est-ce... Oui, allons-y. Non, tu me donnes le coup d'envoi quand tu es prêt, tu me donnes le feu vert. Oui, et puis surtout, on m'a parlé de certains handicapés qui sont très puissants. Ah ah, oui. Sur quel plan Ouais, ils gagnent les jolies femmes. Ouais. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Beke FM, encore une fois de plus, on se retrouve dans le cadre du débrief de la semaine. Cette émission, bien sûr, de bonne humeur qui vous permet d'entrer pacifiquement dans le week-end avec toute l'énergie positive qu'il faut et bien se reposer après pour reprendre le lundi. Mais pour l'instant, c'est le débrief de la semaine et aujourd'hui, avec de nouvelles voix, on se retrouve sur ce plateau. Mais j'aimerais bien profiter pour saluer tous les habitants de la région de Beke. Anisogoma, Anioula, Mbaouli, il paraît qu'on dit Aosinho. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je sais, mon frère qui se trouve actuellement à Botro m'a déjà répondu et je sais que tout va bien par la grâce de Dieu. Inch'Allah, je salue surtout les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de Boaké. Je salue effectivement les hommes et les femmes, les braves femmes qui travaillent actuellement au sein du CHU pour donner la santé à toute la population. Je vous fais un clin d'œil. Et bien avant, je vous avais dit qu'aujourd'hui, on a de nouvelles voix avec nous déjà. Voilà, elles sont prêtes, ils sont prêts. Et ces personnes nous viennent de E-Club Government. Et ce sont des voix auxquelles désormais vous devez vous habituer parce que leur initiative est très puissante et louable. Pour cela, volontairement, c'est des dames et des messieurs qui ont voulu véritablement soutenir l'action du gouvernement, soutenir aussi les efforts de la radio Beke FM en prêtant leur belle voix. Et pour cela, je vais vous faire découvrir sans plus tarder ces belles voix-là déjà. Bon, on va commencer avec Miss Kuna Nadej. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu vas te rapprocher un peu plus de ton micro parce que moi, je ne t'entends pas. Je suis sûr que depuis que tu es l'écran, on ne t'entend pas. On ne repousse pas le micro. On le rapproche vers soi. Alors, rapproche-toi du micro. Voilà, on veut bien t'entendre maintenant. Est-ce que ça va? Alors là, je ne l'attends pas du tout. On va se faire plutôt du côté de la seconde Nadej. On a une seconde Nadej qui est là. Bonsoir Nadej. Bonsoir monsieur. Voilà, là je l'entends très bien. Voilà, elle a bien dormi, elle a fait la sieste, tout ça, on sent ça dans la voix. Nadej, n'est-ce pas? Monsieur, on a mangé quoi cet après-midi? Je demandais du bon garba. Du bon garba. Oui, oui. Regarde comment oui, elle bon dit. Garba. Oh. Alors, bah oui, et surtout parmi ces dames, on a bon, on va continuer avec les dames en même temps. On a Marie-Noël Oro. Marie-Noël Oro, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que ça va? Je vais très bien, vous? Ah oui, très bien. Dieu merci. Ok, on a bien dormi cet après-midi. Bah, je n'ai pas dormi parce que j'avais tellement de courses à faire. Et puis, comme l'émission me tenait à cœur. Ah oui. J'ai couru pour venir. Oh Dieu merci. Alléluia. Amen. Alors, on est avec désormais monsieur Conan. Oui, monsieur Kwasi, voilà. Monsieur Yao Kwasi Julien, j'avais du mal à retrouver son nom. Il est également de E-Club Government. Ça va? Est-ce que ça peut aller? Ça va très bien, monsieur. Nous sommes là. Nous nous portons très bien. J'espère que c'est également pour vous. Oui, tu peux tout simplement dire Bart. Hein. En plus, il n'y a pas de problème pour cela. Ouais, je suis très, très ouvert. Merci beaucoup. On va faire un tour du côté de Kevin. C'est vendredi. Il faut déstresser avec de la musique. Il faut équilibrer le système nerveux. Maintenant, mesdames et messieurs, écoutons. Banger Studio, Jean Le Tabou, Yoromo featuring Ferengola, le maître de la rumba. Azalakiawa, Bembe Nanga. Esika kei, ekaboli nga na ye Ye na mobembo, nga gomo sika Distance na kati, yena ngango, nga na ngango Tango mosusu, soki na kandisi Nenge oto salaki, efesi nga kopanga Moto na lingi, akoma mosika Na tondi na basu Hello, hello, hello Na lela na nani, na kende ko wapi Retour sur notre plateau du débrief de la semaine, mesdames et messieurs. C'est comme on l'a dit, le plateau qui vous transmet la bonne humeur pour vous permettre de bien rentrer chez vous, de bien aborder le week-end. Je rappelle que je suis Koné Barthélémy, votre âme serviteur. Je suis accompagné tout au long de cette émission par notre très puissant technicien qui s'appelle Bébé Kero, désormais Kero DJ. Voilà, il a les doubles compétences, hein, c'est comme ça. Alors, on va revenir avec nos amis de E-Club Government qui sont aujourd'hui, moi, mes chroniqueurs. C'est un honneur pour moi. Voilà, on commence par le seul garçon. Julien, comment est-ce que ça va? Je vais très bien, ça va? Ah oui, ça se sent que tu vas très très bien. Oui, et l'actualité de la ville, tout ça actuellement, comment ça se passe au campus, à l'université? Au campus, c'est les compos. Ah, j'ai du mal à t'entendre véritablement. Au campus, c'est les compos actuellement. Au campus, c'est les compos en ce moment. Qu'est-ce qui met la pression sur nous? Ah, ok. Ok. Alors, je sais que vous arrivez à gérer ça parfaitement parce que vous êtes ceux qu'on appelle les Dugas. C'est vrai. Voilà. Nadège, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, c'est quelle filière, Nadège? Nada, je fais anglais. Anglais? Oui. Est-ce qu'on peut essayer quelque chose? Oh, yes, we can yes. try. Good afternoon. Afternoon, sir. How are you? Ah, very fine. Okay, good. I'm also good. Okay, what have you eaten or been eaten? Okay. Eaten in this midday. This afternoon, yes, on midday. Yes. Okay, I can say plakali. Plakali. Yes. Plakali chaud or plakali froid? Plakali very, very chaud. Plakali very, very chaud. Et c'est vrai que je n'ai pas pris l'avis de Marie-Noël, c'est la question également, oui. Ce qu'elle a pu manger, elle était surchargée par les courses. Moi, je n'ai pas pris son avis. C'était quoi le plat? Moi, j'ai mangé, mais je suis contentée d'une petite patate froide. Patate froide? Ouais. Ah, patate froide, c'est le nom du plat? Non. Si Nadège a mangé un bon plat cali chaud, c'est que moi, j'ai mangé une petite patate froide. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ouais, pourquoi pas une patate chaude? Non, quand c'est chaud, ça brûle la bouche, on ne voit pas la saveur, tu vois. Il faut comprendre aussi le plat cali, quand tu le bois, il faut que ce soit bien chaud. Ah, arrête, Nadège, je vais faire rêver là. Je pense aussi que Julien peut nous éclairer sur ce qu'il a mangé. Ok. En tant qu'Ivoirien, c'est le garba. Ah, bon garba. Garba, oye. Et puis ce sont les deux qui se retrouvent du même côté. Ouais, bon. Nadège et Julien et qui Julien. Se retrouvent. Je précise qu'il y a deux Nadège. C'est quoi qu'est-ce qui fait la différence entre les deux Nadège? Bon, la différence, c'est que moi, je suis Miss Kona. Miss Kona. Kona Nadège, voilà. Elle est quoi? Aoulaba? Elle est. Aoulaba Kona. Voilà. Il n'y a pas de problème, c'est compris. C'est bon, Aoulaba, moi, je suis. Ah bon, hein? Bon. Waouh, c'est okay. Magnifique le plateau du débrief. On peut applaudir hein, pour E-Club déjà. Parce que c'est l'actualité que nous nous attaquons ici. Et okay. Sans plus tarder, nous allons commencer ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire partager, décrypter et commenter surtout l'actualité. Voilà. Et pam, il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé cette semaine au plan national, au plan international et même au plan régional déjà. Il y a pas mal d'activités ici à Boaké. Vous savez que Boaké, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire et il y a pas mal d'activités. Et actuellement, tout le monde est informé que dans peu de temps, c'est les élections au niveau local. Voilà. Les élections au niveau local. Et donc, tout le monde est actuellement en train de prendre cette disposition pour que tout se passe bien. Et au niveau de la CEI, effectivement aussi, il y a eu des décisions qui ont été prises. Alors, il faut tout simplement dire que pour la municipale et régionale 2023, la CEI dénonce une campagne avant l'heure et annonce des sanctions. Voilà, donc il se pourrait, pas qu'il se pourrait, mais on a vu des tendances se dessiner en termes de personnes qui avaient déjà anticipé, commencé à mener leur propre campagne. Et ce que n'apprécie pas du tout la CEI, qui est la Commission électorale indépendante. Donc, Émile Ebrotier, porte-parole de la CEI. Dans la perspective des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023, la Commission électorale et indépendante CEI a émis un avertissement sévère à l'endroit des candidats qui ont déjà commencé leur campagne avant le délai officiel établi. Alors, il faut dire que cette annonce fait suite à une série d'activités de propagande électorale repérées dans certaines régions et sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Voilà. Donc, pour ceux qui ont pu constater cela, eh bien, c'est le fait. Voilà. Donc, on va toujours continuer pour dire que la CEI ne s'arrête pas là. Elle fait une mise en garde. La CEI, dans un communiqué diffusé jeudi 17 août 2023, a condamné fermement ces comportements d'incivisme et a rappelé que l'article 28 du Code électoral précise clairement que les dates de début et de fin de la campagne électorale sont fixées par un décret pris en Conseil des ministres sur recommandation, bien sûr, de l'institution elle-même. Et donc, tout contrevenant à cette mesure s'expose à d'éventuelles sanctions. Donc, la CEI rappelle aux candidats et aux candidates qu'au terme des dispositions des articles 31 et 32 du Code électoral, toute forme de propagande électorale en dehors de la période réglementaire est formellement interdite. Un peu plus tôt dans la journée, Ibrahim Koulibaly Cuibière, le président de la CEI, a annoncé lors d'une réunion avec les partis politiques et les candidats que la période de campagne électorale est planifiée du 25 au 31 août 2023, couvrant ainsi une semaine complète. Cependant, cette période devra encore être confirmée par le gouvernement. 12 424 électeurs sont convoqués dans les urnes le 2 septembre prochain. Ces élections constituent un test grandeur nature avant le scrutin présidentiel prévu en 2025. Mesdames et messieurs, autour du plateau, chers membres de e-club, quelle appréciation, qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet, bien sûr, de cette décision de la CEI d'interdire déjà ces gens qui ont commencé la campagne avant le délai normal annoncé par l'institution? On commence par qui déjà? Qui est intéressé par la question? Qui est preneur? Le seul homme va commencer. Parce que sur mon plateau, j'ai dit, on ne vient pas pour se taire. Comme dirait l'autre, on ne vient pas à boire pour s'ennuyer. Voilà. Ok. La décision de la CEI, je pense que c'est une bonne décision. Parce qu'aujourd'hui, avoir ces candidats-là, ils sont beaucoup agités dans la CEI. Qui se veut une élection apaisée, cohérente. Cette action-là, je pense qu'elle est la bienvenue afin de canaliser tout le monde, les mettre dans le brin de la chose. Allons-y. Afin de mettre tous les candidats dans le brin de la chose. Donc je pense que déjà c'est bon et ça va permettre à créer la transparence dans les élections. Tout le monde doit commencer au même moment, au temps fixé par la CEI, parce que c'est le travail de la CEI. Donc c'est un peu ce que je peux dire pour le moment. Marie-Noël, ça c'est bizarre quand même. Ouais, moi je veux ajouter pour dire que. C'est vrai que la loi c'est la loi, mais. Oui, bon. C'est ça. Mais il y a d'autres qui enfreignent à la loi, bon. Ah, mais quand on enfreint à la loi, il faut t'attendre à courir des bon, sanctions. On est en Côte d'Ivoire, j'ai pas envie de me prononcer, mais on est en Côte d'Ivoire. Bon, moi j'aimerais renchérir. Renchérissons. On renchérira. Ouais, bon. Pour faire plus sérieux, j'encourage cette décision prise par la CEI. Vu que les candidats sont inscrits au même titre, je pense qu'ils doivent avoir le même privilège, le même avantage. Donc cette décision est la bienvenue. Mais Nadège, on dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Moi je ne m'inscris pas comme un pourfendeur, quelqu'un qui cherche à aller à l'encontre de la décision, puisque la loi, nous devons tous la respecter. Voilà. Mais quand même, se réveiller tôt, l'avenir t'appartient, Nadège. Monsieur, oui, c'est vrai. Monsieur, elle a tout à fait raison sur ce point. Oui. Tout le monde doit avoir le même privilège. Au fait, il doit être sur le même pied d'égalité, au fait. Je suis le même pied d'égalité. Oui. Mais quand même, je peux quand même, étant candidat, je peux brosser un peu dans mon quartier pour dire, votez-moi, préparez-vous avant la date. Oui. Formateur, moi, je suis d'accord. Hein, avec ce que vous dites, on peut brosser de bouche à oreille. Mais c'est quand ça devient trop public qu'on s'en plaint. Sinon, dire à quelqu'un juste à l'oreille, bon, chéri candidat, vote-moi, c'est pas mal. Mais c'est quand tu prends le micro, tu prends un camion, comment j'ai appelé ça, un camion podium, tu en as vu, c'est ça, on déplore. Oui. Là, c'est déplorable parce que là, on dit que tout le monde est devant ce qu'on appelle le starting block, le starting line, c'est ça, non? Voilà. Mais là, le starting block, c'est un local en quelque sorte où tout le monde est arrêté avant le point de départ. Starting line, c'est la ligne rouge, voilà, qui marque le départ. Voilà. Je m'y connais un peu en anglais. Tout à fait. Oui. Voilà, donc, effectivement, tout le monde doit suivre. La tricherie, ce n'est pas, c'est pas une bonne chose. C'est ça. À l'école, tout au long du cursus, on nous l'a appris. Et ce qui a fait que, quelque part, même à l'université, on n'a jamais triché. Jamais. Jamais de jamais. Oui, même le technicien, il a tout appris correctement, il n'a jamais triché. Ah oui, il le voyait, il était très studieux. Ah oui, bien sûr. Alors maintenant, on va parler de société et parler de changement des comportements, puisqu'on parle déjà de tricherie, il va falloir qu'on change les comportements. Changement des comportements, une caravane de sensibilisation vise 6 millions de jeunes sur l'étendue du territoire. Consigne aux jeunes ivoiriens. À l'initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, MPJSC, une vaste caravane de sensibilisation des jeunes dénommée Caravane Jeunes Saines Édition 2023 sillonnera bientôt plusieurs localités du pays. Il faut dire que prévenir et lutter contre les différents fléaux observés en milieu jeune en Côte d'Ivoire, notamment la consommation abusive des stupéfiants et de la drogue, les comportements sexuels à risque, l'usage inapproprié des technologies, de l'information et de la communication, ainsi que le phénomène de migration clandestine. Tel est le but de cette caravane initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique MPJSC à travers sa direction de la Protection de la Jeunesse DPJ en vue d'intensifier ses interventions à l'endroit des adolescents et jeunes. Il faut aussi dire que sensibiliser pour le changement de comportement, il s'agit en effet d'une campagne de sensibilisation pour le changement de comportement qui vise environ 6 millions de jeunes sur l'étendue du territoire national, comme révélé par le directeur de cabinet du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Anderson Essassui. C'était au cours, bien sûr, de la cérémonie de lancement officiel de ces activités au titre de l'année 2023. Ce mercredi 16 août 2023 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et sous le thème « Cordon de sécurité autour des adolescents et des jeunes ». Et donc, encadrement des jeunes en voie de marginalisation à travers notamment les centres de services civiques dans son intervention, bien sûr. Le représentant du ministre Mamadou Touré a fait savoir que ces campagnes viennent renforcer tout le dispositif mis à la place en termes d'encadrement des jeunes en voie de marginalisation. À travers notamment les centres de services civiques. Rappelons le programme ambitieux du gouvernement au profit des jeunes PJ Gouv 2023-2025. Il a soutenu que le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, s'engage à intensifier bien sûr ses efforts dans la prévention, la sensibilisation et la prise en charge des jeunes. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, il faut mener une véritable campagne pour aider surtout les jeunes à changer de comportement, vu que il faut le souligner, hein, bien sûr, au regard des menaces auxquelles font face les jeunes en matière de santé, d'éducation et d'encadrement, la caravane vise à renforcer leur résilience à travers des campagnes d'information, de sensibilisation et de formation avec des offres de services intégrés en santé sexuelle et reproductive. L'objectif du ministère étant de contribuer à la réduction de la propagande IST/VIH/SIDA, des grossesses précoces et surtout des conduites addictives et comportements déviants et défiants chez les adolescents et jeunes de 10 à 24 ans. Mesdames et messieurs, sur le plateau, changement de comportement, pensez-vous? Belle initiative ou pas? Nadège? Bon, je pense que c'est une il faut préciser, Nadège, quelle Nadège? Nadège Miss? Miss Nadège. Ok, il n'y a pas de problème, c'est compris. Pour ma part, c'est une très belle initiative. Oui. Ce qui pourrait aider les jeunes à vraiment se cadrer sur quelque chose de plus fructueux. C'est-à-dire leur donner peut-être des formations qui pourraient les occuper et les éloigner de tout ce qui pourrait être nocif pour eux. Alors, tout ce qui pourrait être nocif pour eux. On pourrait dire comment on a signifié la drogue, les comportements sexuels. Oui. Et tout ça. Mais au niveau de, par exemple, l'université, vous êtes à Boaké ici, qu'est-ce que vous remarquez qui soit un phénomène? C'est vrai, à Boaké, on a beaucoup parlé de l'incivisme, mais il y a plein de choses qu'on voit avec la jeunesse qu'il faudrait que ça change. Marie-Noël, quelque chose à déplorer à ce niveau? Oui, il y a toujours quelque chose à dire quand il s'agit de mauvais comportements. Oui. L'initiative est bonne. Elle est bonne dans le sens où, lorsqu'on voit les jeunes d'aujourd'hui, l'orientation que la jeunesse prend aujourd'hui n'est pas encouragée. Ce n'est pas une voie sur laquelle on doit les suivre. Donc, je salue l'initiative de cet institut comment je vais dire ça? Je vais me blesser. Oui. Pardon. Donc, je salue l'initiative de l'institut. Je les encourage d'ailleurs. Maintenant, concernant les étudiants, aujourd'hui, on a tendance à voir la majorité des étudiants converger vers des choses, des pratiques qui ne sont vraiment pas à saluer. Oui, surtout j'aimerais qu'on en parle sérieusement parce qu'il s'agit des jeunes, de nous tous. Voilà, on est tous jeunes. Voilà, je me suis toujours vu comme quelqu'un de 12 ans. Voilà. Alors, Nadège, Miss Aoulaba. Non, ça c'est la Nadège Skinny. Skinny? Ouais. Ah oui, oui, oui. Je oui. suis tout à fait d'accord avec eux parce que. Oui. Bon, nous constatons que. Au campus, même les filles, oui. beaucoup de personnes, même souvent quand on prend les taxis, les chauffeurs déplorent tellement les étudiantes que moi-même, souvent, j'ai honte de me présenter comme une étudiante. Faut pas dire nom de quelqu'un. Les étudiants font quoi? Nous, souvent, les gens ont tendance à dire que les étudiants sont les prostituées, elles se livrent pour de l'argent. Bon, ça fait que c'est un peu... Tu vas te rapprocher de ton micro parce que c'est très important ce que tu dis. Oui. Quelles sont des prostituées? Elles se prostituent pour de l'argent. Oui, c'est vrai que la prostitution... Il y a plusieurs thèmes qui ont été développés à l'université sur ce qu'on appelle la prostitution en milieu universitaire. Oui, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un fondement à tout ça? Est-ce que c'est vrai, entre guillemets? Voilà. Oui, je vois que c'est vrai. C'est vrai. Oui. Payé par le comportement des filles, même au sein du campus, tu sens que vraiment ça existe. Ah, en tout cas, Julien, ça veut dire qu'il n'y a pas fumé sans feu. Il n'y a jamais fumé sans feu. Il n'y a jamais fumé sans feu, c'est ça. Et surtout la violence au niveau milieu universitaire, parce que tout ça, c'est les jeunes, hein, à Boaké, en ville. Je pense que la violence, les bagarres urbains. Les bagarres urbaines plutôt, est-ce que ça n'a pas diminué un peu? J'ai du mal à l'entendre. Hein. Son micro, j'ai du mal à l'entendre véritablement. Marie-Noël, les bagarres urbaines. Ça n'a pas changé, ça n'a pas diminué. Bien au contraire, tout ne fait que s'empirer. Mm. Parce que on voit nos jeunes frères. Oui. Qui emploient souvent, qui empruntent des chemins. Oui. Ou, comment je vais appeler ça? Qui empruntent des chemins qui font que. Ils ne font que se battre. Bon, c'est pas très cohérent, c'est ce que je dis. Ils ne font que se battre. Ouais. Et surtout, je sais qu'au niveau du campus, il y a souvent des groupes, des clans, etc. Effectivement, c'est ça. Ouais. On suit ce qu'on vient de trouver là. Oui. Et lorsque ce qu'on vient de trouver ne sont pas sur un bon chemin, oui. au lieu. De les recadrer, on préfère les suivre sur ce chemin-là. Et c'est ce qu'on déplore vraiment. J'ai pas envie de citer une quelconque organisation, un quelconque regroupement de jeunes, mais au sein de ces groupes de jeunes-là, au lieu, je pense qu'ils doivent plutôt faire l'apologie de l'excellence, l'apologie du civisme au lieu de, d'encourager la médiocrité puis la violence au milieu étudiantin. Au lieu d'encourager la médiocrité au lieu de la violence, c'est ça? C'est bien le mot, c'est le mot que j'ai prononcé. C'est ça. Voilà, à force de trop parler souvent, on se demande si c'est le même mot. Ce qu'elle disait là, parce que dans les objectifs de cette campagne de sensibilisation, le ministère parle de prévenir contre le VIH-SIDA. Et donc là, vous évoquez la question de la prostitution. C'est vrai, même si ce n'est pas un milieu universitaire, il faut dire aussi que le phénomène de la prostitution digitale est beaucoup présente actuellement en Côte d'Ivoire. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Ah, vous dites oui, oui, seulement. Ah oui, mais c'est une réalité, il faut qu'on en parle. Voilà. Oui, le micro est ouvert pour ça, le débat est ouvert. La prostitution digitale, Nadège Miss Conan. Oui, pour me prononcer là-dessus, je pense que la prostitution digitale est vraiment répandue parce que... quand tu vas sur les réseaux sociaux, on voit nos sœurs qui s'exhibent. Oui. Vraiment, qui ne sont pas, qui n'ont vraiment pas de pudeur à montrer certaines parties. Lorsqu'on parle de nos influenceuses et tout ça, oui. Il n'y a vraiment pas de, je sais pas, il n'y a vraiment pas d'enseignement dans certaines choses, dans certaines manières qu'elles adoptent sur les réseaux sociaux. Et franchement, il y a eu même un buzz par rapport à Lolo Beauté, oui, qui a, comme tout le monde le sait, qui a exhibé sa partie intime. Ah, en oui, fait, effectivement. Quand, en voyant tout ça, tu te poses la question, mais où va la jeunesse? Quel enseignement on en tire de tout cela? Donc, c'est vraiment quelque chose à je ne sais pas... Désolée. Ah oui, quelque chose à proscrire ou à éradiquer. Mais... Voilà, à éradiquer comme on l'a... Parce que le phénomène, le problème, il est très profond déjà pour ceux qui voudraient. On pourrait même en faire une émission. Mais quand, comment j'écoute des filles qui te disent, par exemple, si par mois ou par semaine, par mois, peut-être tu peux me faire autour de 200 000 francs en gérant busy. Voilà. Voilà. Il y a quoi encore à faire des efforts, à aller postuler quelque part comme les... Souvent, je trouve que ce sont les envies qui font ça. Ce sont les envies. Oui. Les envieuses, tu veux dire. Oui, oui, oui. Les envieuses. Ah, c'est les filles qui sont envieuses. Elles veulent paraître, elles veulent faire comme les autres. Oui. Mais pas forcément les filles envieuses, hein, parce qu'il y a, la réalité de chaque étudiante qu'il faut mettre aussi à la lumière. C'est pas seulement les filles envieuses qui le font. Il y a certaines personnes qui te diront que je ne justifie pas les actes. Ça, je préfère le dire. Il y a certaines qui te diront que non, depuis que je suis à Boaké, mes parents ne m'envoient rien. C'est moi, je dois envoyer de l'argent aux parents. Je dois scolariser mes petits frères. Je dois faire soigner maman qui est malade. Je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est vraiment pas une raison, mais c'est l'une des justifications qu'elles auront à donner. Oui, parmi oui. Tant d'autres exemples. Bon. Oui, c'est vrai. Parce que je dis que la question. C'est pas la. Moi, je dirais que. De l'argent à ses parents. On peut faire quoi? On peut vendre œufs. Oui. Moi, j'ai dit que je ne justifiais pas les actes. On peut vendre œufs en amphi. Oui, monsieur. Moi, par exemple, on peut vendre l'eau. On peut vendre l'eau comme Awa. Oui. Ou bien. Ah oui. Comme Nadej Awadji. Oui, mais est-ce que. Est-ce que tu pourras mener la même vie que... Par exemple, tu es une bonne religieuse et tu vends ton jus de Bissap, on t'encourage un peu, tu prends des petits t-shirts que tu proposes aux amis en amphi, on dit « Ah ouais, c'est bien, on va en prendre. » Et puis, quelque part, on a celle qui est là, qui mène son activité aussi à elle, voilà. Et puis, on sait que réellement, elle pèse vraiment financièrement, elle est entretenue. À un moment donné, quand même, on est tenté d'abandonner ce qu'on fait. Oui, monsieur, mais moi, je vois que même si tu vends les jus, tu peux aussi paraître. Parce que moi, avec mon petit fonds, je peux paraître. Oui, c'est vrai. Oui, je peux m'acheter aussi des mets qui sont chers. Oui, mais souvent, je préfère faire des économies que de paraître. Pareil, je vois que c'est les choses inutiles. C'est inutile au fait. Oui, c'est vraiment très sensé et tu me touches dans le fond. Mais malheureusement, j'ai envie de suivre la tendance. C'est pourquoi je vais demander à Kevin de nous mettre un bon morceau qui peut nous faire trembler. Allons, Kevin. Ok, la radio jusqu'au bout du monde. Waga Wall Prod Willy Dombo Yakuba Adama Pharaon de Bona Yakuba Adama Pharaon de Bona Sidi quoi Yakuba Aïcha Tremblay Killer la jambe Tremblay Mais qu'est-ce que c'est Rabin Goro El Hadj Bouna Oumarou Aïcha Tremblay Fresado, Petit Génie, Erika Konate, Président Kobe, Aïcha Tremblay, Ayoko, Michel Beni, Ayoko, Boz Boza, Oula Rebo de Basse, Yana, Tremblay, Le Zoulou, remis les épaules, Yakuba, Adama, Debona, Yakuba, Adama, Pharaon, Manager, Sidi quoi, Yakuba, Aïcha, Tremblay, Babisco, Chimpoto, LMDD, la mère de Dieu, Tremblay, mais qu'est-ce que c'est, Junior Dollar, Idéal 5 étoiles, Aïcha, Tremblay, Zénateur Pao, Sidi quoi, Ouja, Ibilo le chance. Chèque et photo de Paris. Ils sont venus encore pour gâter. Nabil Fallo, la radio. Tout le monde est dans ses trois cases. Pourtant là c'est quoi ça? Pourtant là c'est comment? Pourtant là c'est quoi ça? Pourtant là c'est comment? Abraham le prophète. Mesdames et messieurs, des retours sur notre plateau aujourd'hui, le début de la semaine pour vous accompagner. Il faut dire que nous allons parler dans la deuxième partie de cette émission de la question des VBG ici à Boaké. Quel est le bilan? Il faut savoir que Boaké est une ville quand même où on enregistre pas mal d'actes à l'encontre du genre. Et surtout beaucoup à l'endroit des femmes. On peut énumérer les féminicides, les violences conjugales, les violences faites bien sûr à la personne de la femme. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont battus, mais bien sûr, on va en parler avec notre spécialiste ici aujourd'hui. Voilà. Mais il faut dire que que nous venons d'écouter, mesdames et messieurs, le clip du phénomène Aïcha Tremblay de DJ Yomi passe le million de vues en 4 jours seulement après sa publication. Donc il faut dire que un véritable succès inattendu pour le clip Aïcha Tremblay de DJ Yomi. Parti des villages reculés de son pays, le Burkina Faso, le jeune homme se retrouve sur le toit de l'Afrique grâce à une vidéo devenue virale dans laquelle on peut voir Aïcha, une jeune fille anonyme, danser sur la musique qui cite son prénom. DJ Yomi, faiseur d'animation grand public dans le village, est passé de l'ombre à la lumière. Ce morceau vient de populariser, bien sûr, le DJ sur le toit de l'Afrique. Une vague musicale, il faut le dire. Plusieurs acteurs du divertissement audiovisuel et de l'industrie musicale du continent se sont alors emparés du morceau à grand renfort de chorégraphie sur TikTok. Ce morceau vient de populariser le DJ sur le toit de l'Afrique. Le succès du titre a dépassé bien sûr les frontières du Burkina Faso et a suscité bien sûr un grand intérêt en Côte d'Ivoire. C'est une véritable vague musicale qui a déferlé sur les pistes de danse. Le cri de ralliement Aïcha Tremblay a même été utilisé par des marques commerciales dans leur stratégie de communication digitale. Le million de vues, soutenu par le grand public, DJ Jomi a pu produire un clip vidéo. Ce clip vient de passer la barre du million de vues en 4 jours. Ce succès inopiné d'Aïcha Tremblay continue de faire des vagues. Cette histoire a su souligner l'importance de la culture et de la musique dans le rayonnement international des pays de la terre-mère. Mesdames et messieurs, autour du plateau, Aïcha Tremblay, qui l'aurait cru, elle-même, elle ne l'aurait pas cru si on l'avait prophétisé. Alors, vous qui êtes autour du plateau, d'où on dit Aïcha Tremblay, c'est la valorisation de la médiocrité au mépris hein, de la culture, de l'intellect et du savoir. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? On commence par qui? Ok. Moi, je dirais que on doit danser, mais il faut savoir modérer. Oui. Parce que ce qu'on a vu sur ce phénomène d'Aïcha Tremblay dépasse l'entendement humain. Dépasse l'entendement humain. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas danser. Oui. Mais quand on danse, il faut aussi qu'à un moment donné, on s'arrête. On arrête de danser, vraiment. Se mettre au travail. Mais pourquoi c'est autour de Aïcha Tremblay, vous sortez des choses du placard aussi. Moi, je ne sais pas. Ça aussi, c'est quelque chose. Hein. C'est-à-dire, quand les bons grains sortent, oui. On n'entend pas vraiment parler de ces personnes. Oui. Mais pour des trucs bizarres. On est tout en train de faire le buzz autour. Aïcha Tremblay, oui. Ça apporte quoi? Ma chérie, c'est ça aussi. Un jour de chance. Ah, bon cher. Ah, je ne vois pas ce que ça apporte. C'est une question de jour de chance, c'est ça? Bah, oui, c'est vrai, parce que aussi, ça soulève un peu de l'indignation auprès de ceux qui vont dans nos universités, c'est dans nos écoles. Parce que tu finis avec le doctorat déjà, tu es quelque part soit emprisonné, tu n'as rien à faire, tu es emprisonné. Et quelque part déjà, c'est vrai, et d'autres disent non, aujourd'hui on est trop passé dans la culture de la médiocrité. Vraiment, voilà. C'est vrai, parce qu'on se dit quand même à passer près de 13 ans, 14 ans sur des bancs. On devait quand même, notre image devait trembler quand même. Hein. C'est ça. Tout à fait. Oh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est de la jalousie pure et inutile? Non, ce n'est pas de la jalousie pure et inutile. Comme Nadège l'a dit, c'est la chance. Et on ne peut pas en vouloir Dieu parce qu'il te fait grâce. Il permet que ton bim prenne. On ne peut pas l'en vouloir. Mais oui. La seule chose qu'on dénonce ici, c'est comme l'un d'entre nous l'a si bien dit, la valorisation de cette médiocrité là en question. Parce que lorsqu'on vient parler d'Aïcha Tremblay, tandis que il y a l'examen du bac qui est passé, il y a eu des meilleurs. Oui. On ne les a pas invités sur des plateaux. Et puis c'est le bim d'Aïcha Tremblay qui nous préoccupe. Bon, on dit quoi s'il y a eu 340 points? C'est-à-dire que ça rentre même pas dans nos oreilles. On dit Aïcha Tremblay, puis on tremble fort. Donc, c'est pas encourageant. Donc, on se demande par moment, est-ce que ça en vaut la peine de faire des efforts à l'école? Est-ce que ça en vaut la peine de travailler dur? Est-ce que ça en vaut la peine de donner le meilleur de moi-même? Parce qu'au finish, on se dit, ben, tout compte fait, malgré tous les efforts que j'aurai à faire, personne ne me verra. Oui. Mais si, par exemple, j'enlève un pied de mes chaussures, j'enlève un pied de mon pantalon, je marche peut-être tout nu. Oui. Là, ce buzz, ça, il peut prendre. Peut-être qu'ils vont m'inviter sur le plateau. Voilà pourquoi un artiste même a dit, en Côte d'Ivoire ici, c'est quand tu te fais bête que tu gagnes assez d'argent. Tu gagnes assez d'argent parce que avec un peu de savon aux oreilles, on peut avoir des millions de financements. Est-ce à dire qu'on doit fermer les écoles pour se faire bête? Question. Ah ouais, très beau sujet en tout cas. Ça me fait penser à un sujet de philosophie. Ça, c'est une bonne terminaison. Voilà, une bonne conclusion. Voilà, on dit, on fait ça avec une ouverture, c'est ça? La conclusion, une ouverture, c'est l'ouverture qui est là. C'est ça. Bah, donc tout le monde doit réfléchir. Faut-il fermer les écoles? Voilà. Nadège, oui, est-ce que pour toi, les gens jasent pour rien? Non, on ne doit pas fermer les écoles pour ça. Oui, mais je veux juste dire, est-ce que le succès d'Aïcha Tremblay, on a valorisé beaucoup plus, on en a parlé, pourtant on n'a pas parlé des meilleurs à l'examen, tout ça. Est-ce que c'est une comparaison qui tient? Oui, puisque Aïcha... oui. On a déjà envie de trembler, alors tremble un peu. Oui. Bon, moi, la première fois que j'ai vu Aïcha en train de trembler, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Oui. Et il faut dire que franchement, moi, j'ai regardé la vidéo pour une première fois. Je suis tombé dessus en ce moment, on n'en parlait pas trop. Après, bon, ça m'a... j'ai regardé, bon, après, je suis passé rapidement. Bon, après, j'ai commencé à voir les images. À chaque fois que je rentrais sur mon compte, je voyais les images, on en parlait. Donc, je suis allé, peut-être que je me suis dit qu'en regardant pour la première fois, j'ai raté quelque chose. Voilà, ce qui fait que tout le monde en parle. Donc, je suis allé regarder encore. Pourtant, j'ai regardé deux fois, je ne voyais pas ce que j'avais raté. Bon, après, ça ne m'a plus rien dit, mais j'ai vu que tout le monde en parlait. À un moment donné, quand même, je me suis dit que c'était un peu exagéré. Maintenant, peut-être aussi qu'il faut donner une certaine dimension à l'école, une certaine valeur à l'école. Tout à fait. Voilà. Donc, en tout cas, nous sommes déjà à la fin, presque à la fin de cette première partie, et nous allons entamer la toute dernière partie de cette première partie. Donc, il faut le dire, nous sommes cette fois-ci à Yopougon, Koweït. Qui a une fois habité à Yopougon, Koweït? Ok. Les mangeurs de porc. C'est Kéro seul. Hein. Kéro. Ouais. Les porcos. Ok, Yopougon, Koweït, deux homosexuels surpris en plein acte dans leur voiture tabassée par des badauds. Ok, donc deux homosexuels surpris en plein débat sexuel dans leur voiture rangée sur le bas-côté de la route ont passé un mauvais quart d'heure dans la soirée du vendredi 28 juillet 2023. Au quartier Koweït, dans la commune de Yopougon. Dans la soirée du vendredi 28 juillet 2023, le quartier Koweït à Yopougon a été le témoin d'un incident choquant impliquant bien sûr un couple d'homosexuels. Alors qu'ils étaient engagés dans des ébats sexuels dans leur voiture garée sur le bas-côté de la route, ils ont été surpris par des passants en colère, ce qui a conduit à une agression violente. Tout a débuté autour d'un repas. Les deux individus, identifiés comme K. Martial et K. Daniel, ont été aperçus aux alentours de 20h au carrefour Gandhi. Ils s'étaient rendus, bien sûr, dans un maquis local pour partager un repas. Mais leur comportement inhabituel a rapidement, bien sûr, attiré l'attention. Les gestes d'affection et les câlins échangés par le couple ont dérangé les autres clients du restaurant. Bien que certains propos outranciers aient été lancés à leur encontre, les deux hommes semblaient résolus à ignorer les critiques. Plus tard, après leur repas, K. Daniel et K. Martial ont quitté le maquis et se sont retirés dans leur voiture garée non loin de là. Cependant, des gémissements provenant du véhicule ont alerté un passant qui, en jetant un coup d'œil à l'intérieur, a été choqué par la scène qui s'y déroulait. Les deux hommes étaient en plein acte sexuel. Voilà, donc les habitants du quartier, indignés par ce qu'ils considéraient comme une violation de la décence publique, ont rapidement pris d'assaut la voiture. Le témoin a rapidement alerté les autres passants aux alentours et la colère a éclaté. Les habitants du quartier, indignés par ce qu'ils considéraient bien sûr comme une violation de la décence publique, ont rapidement pris d'assaut la voiture et bien sûr dans leur panique, car Martial a réussi à démarrer le véhicule et à s'échapper, laissant K. Daniel derrière lui. Malheureusement, K. Daniel n'a pas eu la même chance. Il a été happé par le groupe en colère et une scène d'agression brutale s'est ensuivie. Ses vêtements sont partis en lambeaux et il a reçu de violents coups de la part des badauds. Voilà, de la part des badauds, il faut le dire comme ça, furieux. Après avoir été roué de coups, il a été laissé dans un état lamentable par ses agresseurs. Une victime reconnue par des témoins. Certains témoins ont reconnu la victime et soutiennent que K. Daniel est un adepte de pratiques homosexuelles. Il explique qu'un certain T. Olivier, en fuite et recherché depuis 2022, serait lui aussi mêlé à cette pratique. Ce triste incident met en lumière la réaction encore hostile de certaines parties de la société ivoirienne envers les homosexuels. Bien que l'homosexualité soit un sujet débattu, la législation de cette orientation sexuelle demeure un point de contentieux. L'incident soulève également des questions sur le respect des droits de l'homme et de la dignité individuel, indépendamment de l'orientation sexuelle. Voilà, donc il convient de noter que l'homosexualité est considérée comme un acte interdit selon les enseignements religieux dans de nombreuses religions en Côte d'Ivoire. Malgré les débats en cours sur la législation homosexuelle, l'hostilité envers les homosexuels persiste dans certaines communautés. L'outrage public à la pudeur est illégal en vertu de la Constitution et il est puni par la loi. Eh bien, mesdames et messieurs, autour de la table, réaction. J'ai envie de la dire. Comme le disent les bêtés, digbe boîte moto palave. Waouh. Sacrilège. Oh, sacrilège. On va aller très vite parce que nous sommes déjà à la fin. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Très déplorable. Ok. Et puis, bon, on prie Dieu quoi, pour qu'il. KFM est un média aussi où il faut il faut quand même protéger quand une personne est en vie, il faut protéger cette personne. C'est vrai que l'acte, selon la Constitution, c'est pas logique. Voilà, donc la violence aussi, faire justice soi-même aussi est interdit en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, entre guillemets, c'est vrai que chacun a ses opinions personnelles de la question. Okay. Voilà, mais en tant qu'animateur responsable, il faudrait que je dise ce qui convient de droit, dans un état de droit. Merci beaucoup à tous et à toutes pour cette première partie. Nous allons retrouver tout à l'heure Alida et ses amis pour toi, okay, tu m'as roué. Essayez de parler dans ta vie, non. Non, non. Mais non, on t'a roué. Tu veux revenir dans ma vie, non. Non, non, non. Il faut boire. Je n'ai pas compris, non.